Merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici tout de suite les grandes articulations. La nouvelle hausse des prix des produits pétroliers crée des frustrations au sein de la population burundaise et des politiques. Vous les entendrez. Trois infirmières récemment mutées du centre de santé Mutambara en commune et province Rumonge réclament d'être rétablies dans leurs droits du moment que le ministère de tutelle a suspendu toutes les mutations et réaffectations, quelles qu'en soient les raisons. Et le ministère en charge du travail a rejeté ce lundi les résultats du test de recrutement des enseignants en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. La commission qui avait été chargée de cette activité a également été suspendue. Le développement de ces titres et bien d'autres nouvelles, c'est tout de suite. La radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, certains habitants de la ville de Bujumbura expriment leur mécontentement par rapport à la mesure visant la hausse du prix du carburant qui entraîne presque automatiquement la montée des prix de différents produits de première nécessité alors que les pouvoirs d'achat ne changent pas. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi trouvent que cette mesure vient rendre la vie plus chère et demandent au gouvernement de réguler ses prix. La hausse de ce carburant, donc quant à moi, je vois que vraiment c'est difficile. Ce que donc je peux demander à l'État, c'est de diminuer le prix possible. Le mois de déplacement, ça sera très difficile. Vraiment, c'est pourquoi nous demandons si possible que l'État peut diminuer le prix de ce carburant que nous voyons ici. La salaire est déjà qui n'augmente pas, alors que les prix sur les marchés s'augmentent beaucoup. Ça sera aussi une vie très difficile. Ça ne va pas être facile car ce carburant monte de jour en jour et les coûts de nourriture vont augmenter. Ces denrées alimentaires ne peuvent pas être transportées facilement dans les marchés. Les prix de tous les produits vont monter. La vie sera dure. Le prix du carburant monte, mais le salaire reste le même. On mange une seule fois par jour et nos enfants vont mourir de faim car les produits au marché grimpent de prix. Il faut que le gouvernement agisse pour la diminution de ces prix. C'était le micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro et le parti Sewanya Frodebout trouve que la nouvelle hausse des prix des produits pétroliers est injuste puisque ne résultant pas d'une consultation de tous les intervenants. Dans une déclaration sortie ce mardi, ce parti considère que les ministères habilités devraient réguler et surveiller les prix des autres produits en évitant d'éventuelles spéculations. Le vice-président et porte-parole de ce parti trouve que cela ne cesse de plonger la population dans de mauvaises conditions de vie. Suivez plutôt Phénias Nigaba, vice-président et porte-parole du parti Frodebout. Au Burundi, nous voyons qu'il y a une hausse des prix des produits pétroliers qui n'est pas concertée, on n'a pas de consultation. Or, la population vit dans des conditions très déplorables. C'est une situation de pauvreté qui tend vers une misère. Nous voyons qu'il y a une injustice. On ne tient pas compte des problèmes réels de la population. Et si aujourd'hui le gouvernement avance une idée selon laquelle c'est un produit qui est difficile de s'approvisionner? C'est un produit qui est difficile de s'approvisionner, mais l'État est là pour voir comment avoir ce produit sans toutefois piétiner les droits de la population. Je m'explique ici. Regardons les pays qui se trouvent dans la région des Grands Lacs. Est-ce que ce produit ne se trouve pas sur le même marché? Ces produits, dans ces pays-là, est-ce que les prix montent d'une façon répétitive? Alors, il y a une mauvaise organisation. Parce que si on nous dit que c'est presque dans les mêmes pays, nous essayons de suivre le même rythme que dans les autres pays. Non, nous voyons que ce n'est pas vrai. Parce que dans ces pays-là, la population a un pouvoir d'achat qui est, je dirais, considérable par rapport à nous. Il faut qu'il y ait réduction de trains, de vie et des dignitaires. Si on regarde maintenant, les dignitaires vraiment vivent dans de bonnes conditions, qu'ils acceptent qu'on partage les souffrances. Deux, il faut voir comment mettre en place le stock stratégique. Également, il faut voir comment abandonner certaines taxes. En plus, si on augmente les prix, il faut surveiller les prix sur le marché. C'était Fenias Nigaba, vice-président et porte-parole du parti Sawaenya Frodebou. Et dans son analyse, le directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Faustin Dikoumana, estime quant à lui que le gouvernement devrait relancer l'économie du pays pour minimiser les impacts liés à la flambée des prix. Naturellement, si le gouvernement n'a pas la capacité de subventionner le prix à la pompe, c'est direct l'augmentation est immédiate. Même si nous ne parvenons pas à maîtriser le cours du dollar, ça sera de mieux. En dehors d'un gouvernement fort, pouvoir quand même assurer une résilience à travers la subvention du prix du carburant à la pompe, à chaque fois que le carburant montera, il y aura des répercussions sur tous les produits en général. Le manœuvre sera automatique. Et encore une fois, la vie sera dure. C'est pour cela qu'aujourd'hui au Burundi, les gens sont en train de quitter une grande partie de la population. C'est la classe moyenne qui disparaît complètement. Les gens deviennent de plus en plus vulnérables, que ce soit les fonctionnaires, les quoi. Une vie difficile à venir de bout du monde. Tout le monde risque de devenir vulnérable et il va y rester une poignée d'hommes qui vivent sur la rente de certaines spéculations, des tournements, des biens à corruption, qui ont des profits faramineux. Mais pour les autres qui doivent vivre de leur salaire, qui doivent vivre par le sueur dans le travail honnête, ça sera toujours en galère. Parce que les retombées de la situation, ce n'est pas à court terme, c'est à moyen et long terme, mais aussi après avoir enclenché de façon visible une série de réformes prometteuses, salvatrices, prouvant vraiment la volonté du gouvernement de rectifier le tir et d'inverser la tendance. Mais le problème, c'est cette capacité de résilience de notre économie qui est faible. Notre économie a été délabrée par une grande période de paralysie, de désordre politique, sans politique de relance économique, sans investissement direct étranger, sans augmentation de revenus, croissance, alors que la population, le taux de croissance de la population continue à être explosif. Alors, dans ce cas, le gouvernement devient pauvre et ne parvient pas à assurer cette résilience. Par exemple, en subventionnant le prix à la litre, à la pompe. C'est cette politique dont la gouvernance, la relance économique, la lutte contre la corruption, l'environnement des affaires, la mobilité des investissements directs étrangers, c'est ce que tout le monde fait. Ce n'est pas le secret de Polichinelle. C'est là où nous sommes vraiment les moins nantis. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Trois infirmiers récemment mutés du centre de santé Mutambara en commune et province Rumonge réclament d'être rétablis dans leurs droits. Après ces réaffectations qu'ils jugent illégales, ils disent être presque gardés à vue. Il sollicite une intervention du ministère de tutelle qui a suspendu toutes les mutations et réaffectations, quelles qu'en soient les raisons. On fait le point avec Omer Douayo. Une lettre de réaffectation de ces trois infirmiers du centre de santé Mutambara vers d'autres centres de santé sont sortis toutes le 12 juillet 2023. C'est à cette même date que ceux de leurs remplaçants sont sortis. Le médecin, chef du district sanitaire de Rumonge, signataire de ces réaffectations, ne les a pas motivés, selon l'un de ces infirmiers, brandissant sa lettre de réaffectation. Dès les lettres de mutation, nous sommes parvenus sans que nous soyons au courant. On a procédé à notre remplacement en ce même moment. Ça nous étonne du moment qu'il y a une note ministérielle interdisant les mutations et les réaffectations du personnel sans la demande préalable de la personne concernée. Entre-temps, dans une note à l'attention du public et du personnel du ministère de la Santé, datant du 26 octobre 2022, le ministre Sylvain Zeimana a annoncé que les mutations et réaffectations sont suspendues quelles que soient les raisons et que ces permutations seraient acceptées. C'est après avoir dénoncé cela que ces infirmiers qualifient d'injustice qu'il y a eu revirement de la situation. Le médecin provincial qui, dans un premier temps, a avoué qu'il n'y a aucune faute à leur charge, a entamé des enquêtes près d'un mois après leur départ afin d'avoir des accusations à porter contre eux. Ces infirmiers s'insurgent contre ces enquêtes qui devraient précéder leur départ et demandent à l'autorité compétente d'intervenir afin de stopper ce qu'ils appellent maltraitance dont ils sont victimes, même à leur nouveau poste d'attache. Après notre mutation injuste, nous avons saisi différentes autorités provinciales et ministérielles, lesquelles nous ont indiqué qu'ils allaient mener des enquêtes. Cela nous a fortement étonnés car personne ne s'est préoccupé de ces enquêtes avant la sortie des lettres de mutation, qu'on nous rétablisse dans nos droits. Selon certains membres du comité de santé à ce centre de santé, aucune plainte contre ces infirmiers ne leur a été parvenue. Par ailleurs, ils transmettent chaque fois que de besoin un rapport sur tout incident au centre de santé et savent que les fautes des fonctionnaires de l'État sont mentionnées dans leurs dossiers individuels. Ce sont donc, selon nous, une affaire dont seul le médecin chef de district et le médecin provincial peuvent éclairer. Omer Douayo, après maintes sollicitations de la rédaction Isanganiro, le médecin provincial de Rumong et docteur Jean-Ferdinand Gilkwishaka qui avait accepté de s'exprimer sur ce sujet mais resté injoignable sur son portable, nous oppose toujours un silence média. Mais le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, docteur Polycarpe Ndaikeza, promet de réagir dans nos éditions de ce mercredi. Et le ministère en charge du travail a rejeté ce lundi les résultats du test de recrutement des enseignants en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Le ministre indique également que la commission est relative et suspendue pour n'avoir pas exécuté son travail conformément à la loi. Deo Rusengwa Mihigo précise que la direction communale de l'enseignement de Nahangwa doit reprendre le test. Suivez-le dans la traduction dans le désiré Bukayenez. En commune Nahangwa, il s'est manifesté des irrégularités. Il y a même des copies que l'on ne peut pas savoir la provenance. Nous constatons que cela est inadmissible. La commune Nahangwa doit reprendre le test de sélection. Nous avons déploré le travail accompli par la commission et n'a pas pris de décision adéquate. Non plus, elle ne s'est pas conformée à la réglementation irrelative. Et c'est pour cette raison que la commission communale en charge du recrutement en commune Nahangwa est également suspendue. Une nouvelle commission sera mise en place en vue d'un nouveau test de recrutement. Le ministre en charge du travail, Deo Rusengwa Mihigo. Éducation, toujours plus de 40 enseignants du 4e cycle de la province de Cibitoke ayant suivi une formation de renforcement de capacités réclament les frais de déplacement et de restauration qu'ils se sont payés eux-mêmes en lieu et place de l'organisation PADESCO. Ces frais sont évalués à 280 000 francs burundais. Un mois après cette formation qui a duré 14 jours, l'on indique que ce retard a été dû aux problèmes techniques. Les précisions de notre correspondant Alexis Ndayiragiche. C'est plus de 40 enseignants du 4e cycle de la province de Cibitoke. Chacun devrait avoir 20 000 flambeaux par jour lors de la formation. Pendant cette dernière, chacun devrait avoir 280 000 flambeaux pour 14 jours. Ces enseignants indiquent que cette somme était destinée aux frais de restauration et de déplacement pour cette séance de formation. Au sein du programme PADESCO, qui devrait assurer le paiement par EcoCash, on a indiqué à ces enseignants de rentrer après la formation et d'attendre son paiement. Ces enseignants indiquent qu'une partie a bénéficié de ces frais par EcoCash, qu'une autre partie attend toujours de cela et moins. Ces enseignants lésés demandent qu'ils soient régularisés afin qu'ils puissent payer des dettes contractées lors de la formation. Le comptable au sein du PADESCO tranquillise ces enseignants tout en les demandant de patienter puisque ce retard de paiement a été dû aux démarches techniques. Depuis Cibitoke, Alexine Deiragije, Radio Isanganiro. Et en bref, les supporters de l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba espèrent que le Burundi va remporter le match prévu ce mardi à 21h, c'est tout à l'heure, contre les Lions indomptables du Cameroun. C'est dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Dans cette rencontre qui se déroulera dans la ville de Garoua, le Burundi devra au moins faire un match de parité et non un nul pour se qualifier. A noter aussi ici que les espoirs des Burundais se fondent sur l'élimination du Gabon en mars 2019 à Bujumbura. C'était aussi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Une qualification restée dans les annales du football africain. Et la phase finale de la CAN 2024 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, je le disais. Ce sera dans 5 villes, à savoir Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Sachez enfin que ce match entre les Inhamba Murugamba et les Lions indomptables du Cameroun sera retransmis sur vos écrans télé Isanganiro. Et sera également commenté en direct sur les ondes de la radio Isanganiro que vous suivez en ce moment. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.